P-A-R-I-S, Paris, Panam. Tu connais, non? Le truc, on le fait brique après brique. Toi, tu bricoles, nous, c'est Paris. Toi, tu rigoles, c'est ILL et un cadet 20M. Quoi d'autre? Naklou, Black Joe, Pichi. Fini l'époque de tes potes qui s'expriment sous les spots avec rien dans le pussy. Car moi et le coup, on ne fait que les roues. Tous les poulets traquent le crack et les roues. Regarde même dans les roues. Nous, on fait qu'accélérer, ro. Assez de temps passé à acheter, à biser bijoux, à casser les reins, caresser les seins. Et afin que les proches et moi croquions, on fait des maths pour éviter l'échec. On protège des gros pions. Sans sacrifier les petits réussites en solitaire, qui va vérifier les sbires. Si tu te loupes, qui va rectifier le tir. Je vais pas te dire que je suis resté un môme. Pana, ils doivent esquiver les chefs que nous sommes. Allez, encore un effort, vous êtes presque des hommes. Peut-être le plus jeune des anciens, le plus ancien des jeunes. Rarement en chien de feu, mais ni de gueule. Je parle pas très souvent bien des feux que on me dérange pas quand je déjeune, non. C'est nous les méchants, ces gens s'en foutent. Paris, tu t'attendais plus à ce qu'on débarque. Inca représente Paris, go Boliosa. C'est Paris, c'est bloc, c'est hall et c'est boulevard. Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Sirène de police, balle qui ricoche. Paris, là où le plus chacal remplit ses poches. C'est Paris, 20ème, on représente en force. Paris, Paris, Paris, Paris. On va faire un tour dans nos tours. Paris Est, 20ème, c'est le zoo. Les chacals et des vautours. Plein de patrouilles aux alentours, s'en sortir peu réussi. Pourtant beaucoup ont le talent pour, mais tout le monde s'attend au pire. Alors certains dans l'ombre opèrent, les prix de la drogue comme seul repère, les faits divers. Ouais. Les matchs de foot à Marie-Zille sous les lumières. Les ambiances louches, des bouteilles de sky vivantes qui te couchent quand le soleil se couche. Des grosses bécanes et des berlines. J'ai deux dames pour la vermine. Certains courent comme les prods, Vito Lars et les ch'tards. Les baveux, les procs à la prod. Dehors c'est Ehwell, ils se mettent à poil pour des Hellwars. Du coup, ouais, Kael, on score c'est comme le Kawa. Y'a les keufs, soir c'est hoche. Pas se faire écrouer. Coup de première pédale de gauche. Comme de la Noé. Les chickens veulent nous kicker. Ça sent le vin, ça sent le keuf. Moi j'trouve pas chicken, chica. J'ai les refs au 129. Du 9-3 au 2-0. Du 9-4 au 9-2. La GAP au CJD. Du CJD au D2. Démarre le Clio 2. Et oublie le Porsche Cayenne. Par rapport à être une les Schmitt sont des Cheyennes. Un bras gros, ça rapporte. Pour le baveux et pour quand il est. Chassard quoi t'apporte. Mais c'est tes potes qui t'ont pris. Les trahis par les siens. Comme les Apache et les Sioux. Certains potes deviennent des chiens. Pour du H et des sous. Paris, tu t'attendais plus à ce qu'on débarque. Inca représente Paris, go Boliosa. C'est Paris, c'est bloc, c'est hall et c'est boulevard. Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Sirène de police, balle qui ricoche. Paris, là où le plus chacal remplit ses poches. C'est Paris, 20ème, on représente en force. Paris, Paris, Paris, on Paris. Est pour la personne. 20ème, 200 000 personnes. On est comme tout le monde et à la fois comme personne. Kata le vin, bienvenue dans le secteur rouge. Les esprits sont surchauffés et les yeux sont tout rouges. La louche. Tout. 24 sur 24, mon tir fait mouche. Boum. On nous parque en 4x4. Mafia, Pilka, Maroc, Tunisie, sans ma bannière. Sénégal, Mali, les Comores, on fait pas de manière. Bienvenue dans la capitale, on se croirait dans trafic. On passe pas sur capitale, mais on veut tous du fric. Gros pour 6 gros, viens tes potes, tes balles trop. Tu te fais péter, tu lances bas et tu dis que t'as eu trop de bas. En bas de chaque bloc, les mêmes têtes de Hafiz. Et frites les mêmes blocs, la tête pétée au chiche. Rappeur pas chichi, comme ton Imani chichi. Pour toi, tu le sais, que le diable y'en a plein qui le suit. Les mecs sont fichés, parfois recherchés. Ici beaucoup aiment tricher, parce que détaché. 20ème, t'as dû nous lire en fait divers. Un peu froid en été, et très chaud en hiver. Encaisse, ce bête de sang, mets-le en caisse. Paris, tu t'attendais plus à ce qu'on débarque. Inca représente Paris, go Boliosa. C'est Paris, c'est bloc, c'est hall et c'est boulevard. Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Sirène de police, balle qui ricoche. Paris, là où le plus chacal remplit ses poches. C'est Paris, 20ème, on représente en force. Paris, Paris, Paris, Paris. 20ème, un corruptible d'esprit. 2004. Ouais. Davis Ramsa, l'homme 7 Dixa. C'est bon. Ah.